Unité 1, phonétique, exercice A. Guillaume se prépare à un examen. Guillaume se prépare à un examen. Guillaume se prépare à un examen de français. Guillaume se prépare à un examen de français. Valérie part en vacances. Valérie part en vacances. Valérie part en vacances cet été. Valérie part en vacances cet été.